Tour à tour, Jonas apparaît dans le texte biblique comme un patriote fanatique, un prophète obstiné, un calculateur méfiant, mais surtout comme un croyant inconséquent, fuyant la mission que Dieu lui a confiée. Au lieu de partir pour la ville de Ninive, à l'Orient d'Israël, il s'embarque pour Tarsis, aux confins de l'Occident. Et alors que passagers et marins invoquent chacun leur dieu face à la tempête, Jonas dort profondément dans la cale du navire, et il faut que le pilote s'arrache à son gouvernail pour aller le secouer et le reprendre sévèrement. Pensez donc, le seul qui manque à la réunion de prière collective, c'est le prophète de Dieu. Comparaissant devant tous, Jonas est alors contraint d'avouer « Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. » Jonas 1, verset 12. Comme devant les sautes du vent, le navire devient toujours plus incontrôlable, les marins se résignent à jeter Jonas par-dessus bord. Et soudain, un calme plat succède au cyclone, tant et si bien que ces païens offrent spontanément des sacrifices à l'Éternel. Cependant, si pour ces inconvertis la réunion d'évangélisation s'est terminée, l'expérience de sanctification ne fait que commencer pour Jonas. Pour les occupants du navire, il vient de disparaître, englouti dans les flots houleux, irrémédiablement perdu. Cependant, il n'est pas perdu pour Dieu qui a tout prévu, à commencer par le cercueil mobile et organique qui va le préserver de la fureur des vagues pendant 3 jours et le ramener au rivage et à la vie. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Chapitre 2, verset 1. Un miracle tellement extraordinaire que le Seigneur Jésus lui-même s'est saisi de cet épisode historique pour prophétiser le plus grand des miracles survenus sur la terre au cours des âges. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 40. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Autrement dit, comme Jonas a survécu durant 3 jours et 3 nuits dans l'estomac d'un monstre marin et dans les profondeurs de la Méditerranée, le soleil se couchera et se lèvera 3 fois entre le moment où Jésus, le Fils de l'homme, sera condamné et crucifié et celui où il sera déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 4. S'il est un récit biblique qu'on a taxé de légende pieuse, c'est bien celui-ci. Pensez donc, un homme englouti par un poisson et subsistant 72 heures dans son estomac pour être ensuite vomi sur le rivage, ce qu'en principe les poissons ne font pas. Par ailleurs, on n'a jamais vu de baleine en Méditerranée. Alors pourquoi prendre au sérieux cette histoire qui reflète l'ignorance des gens de l'époque? Oh, je le sais, en notre siècle d'érudition et pour nos cerveaux pétris de mentalité cartésienne, les miracles de la Bible sont parfois de véritables pierres d'achoppement. Cependant, en n'admettant pas les miracles et en refusant celui de Jonas en particulier, on se distance obligatoirement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui, lui, a tenu à ratifier l'authenticité de ce texte de l'Écriture. Jésus aurait fort bien pu ne pas évoquer Jonas au cours de ses 3 ans de ministère terrestre. Mais non, il l'a mentionné à diverses reprises, rappelant notamment les 3 jours et les 3 nuits que le prophète a passé dans le ventre du poisson. Alors, pourquoi n'admettriez-vous pas un texte sur lequel le Seigneur lui-même a tenu à apporter une confirmation définitive? Par ailleurs, émettre des réserves quant aux paroles du Seigneur sur Jonas, n'est-ce pas ouvrir la porte au doute quant à toutes les autres paroles qu'il a prononcées et que nous rapportent les évangiles? Alors, où cela s'arrêtera-t-il? Ne pas croire aux évangiles, c'est se dissocier des apôtres et c'est porter un discrédit grave sur toute la révélation divine de la Genèse à l'Apocalypse. Et si vous vous privez du solide fondement biblique, vous n'aurez jamais accès à la paix du cœur, puisque seule la parole de Dieu peut vous communiquer l'assurance de votre salut éternel. C'est pourquoi Ne vaut-il pas la peine d'aborder le problème sous un autre angle? Le Créateur des cieux et de la terre, et de la faune marine aussi, ne pouvait-il pas susciter tout exprès quelques cétacés ou quelques amphibies de grande envergure pour accomplir ses plans à l'égard de Jonas? Ou tout simplement amener en Méditerranée l'un de ces cachalots ou de ces requins qui habitent les profondeurs de l'Atlantique, des monstres qui sont capables d'engloutir un homme et de l'avaler en une seule bouchée? Du reste, n'a-t-on pas retiré de l'estomac de l'un d'entre eux, il y a quelques années, le cadavre d'un homme demeuré parfaitement intact? Voyez-vous, l'histoire de Jonas ne représente même pas une énigme pour les naturalistes. Alors, pourquoi le serait-elle pour vous? Chers auditeurs, c'est avant tout une question de foi entre vous et votre Créateur. S'il est le Dieu des miracles, il n'est pas limité dans ses moyens, tant en ce qui concerne Jonas qu'en ce qui concerne votre propre vie. Alors, faites-lui donc confiance et sachez que la parole divine est digne de toute votre crédibilité. Il est temps de revenir maintenant à Jonas. Sans doute s'est-il cru irrémédiablement perdu lorsqu'on l'a jeté du navire par-dessus bord. Et voilà qu'à l'horreur des vagues en démence s'ajoute celle d'être avalé par un monstre marin. Jonas s'est-il évanoui pour revenir à lui progressivement dans le ventre du poisson? Nous ne le savons. Cependant, le fait de se découvrir vivant malgré tout fera naître dans son cœur un profond languissement à l'égard du Dieu qu'il a abandonné. C'est pourquoi nous lisons, chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Drôle de cathédrale pour invoquer Dieu que l'estomac d'un grand poisson. Mes chers amis, le Seigneur entend toutes les prières, même celles qui sont prononcées dans les endroits les plus inattendus. Le roi David n'a-t-il pas composé un psaume dans une caverne? Et le prophète Daniel n'a-t-il pas prié dans sa fosse au lion? Alors, Jonas ne pouvait-il pas invoquer l'Éternel du ventre de son poisson? Comme vous pouvez prier le Seigneur de votre lit d'hôpital, de votre cellule du pénitencier, ou tout simplement du fond de votre jardin, de votre métro bondé, de votre voiture arrêtée au feu rouge ou de votre cuisine pendant que vous attendez que le potage vienne à ébullition. Penchons-nous maintenant sur la prière de Jonas en Jeu chapitre 2. L'expérience bouleversante qu'il vient de faire a porté ses effets. Il est devenu tout petit face à la grandeur de Dieu et toute rébellion a disparu de son cœur. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Versets 2 à 7. Jonas est probablement le seul homme qui ait connu l'abîme, le cœur de la mer, les racines des montagnes, les barres de la terre. Pour lui, ce n'était pas simplement de la poésie lorsqu'il a crié à Dieu « Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi ». Mais sa prière a très vite évolué en un cantique de louange. « Tu as entendu ma voix et tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. » Je verrai encore ton saint temple. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Pour Jonas, il a fallu la tempête et le grand poisson pour le rappeler à l'ordre. Il a reconnu ses erreurs, il a confessé ses fautes. Il est revenu à l'Éternel. Désormais, il remplit les conditions pour que Dieu l'arrache à la perdition. Verset 11. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et maintenant, Jonas est prêt pour entendre un nouvel appel de Dieu, ou plutôt pour que Dieu lui rappelle sa mission initiale. Chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Nous verrons la prochaine fois comment la prédication de Jonas a fait sensation dans la super capitale du monde de l'époque. Mais pour aujourd'hui, permettez-moi de conclure, chers auditeurs, en vous posant une question. Faudrait-il que vous connaissiez la tempête, l'abîme, les racines des montagnes, pour reconnaître la voix du Seigneur et être réintroduit dans ses plans pour votre vie? N'attendez donc pas que les circonstances vous rappellent à l'ordre. Revenez à votre Seigneur, aujourd'hui, maintenant, dites-lui tout, et dans un élan d'adoration de cœur, affirmez avec Jonas. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. C'est-à-dire, je retrouverai ma vocation. Puis, affirmez avec lui, en partageant sa conviction. Le salut vient de l'Éternel.